Le mardi 15 novembre, ici Dominique Lelièvre et les informations. Le groupe Dallaire a dévoilé ce matin les nouvelles esquisses de la tour Le Phare. Si la tour principale conserve ses 65 étages, elle ne ressemble plus du tout à ce qui avait été présenté plus tôt en 2015. La forme du gratte-ciel et son design ont complètement été revus. La superficie de la place publique a été doublée. Une salle de concert de 750 places vient également se greffer aux plans initiaux. L'une des quatre tours voisines a par ailleurs disparu pour permettre plus d'ensoleillement. Rappelons que la tour Le Phare doit faire 250 mètres de hauteur, ce qui en fera la plus haute tour à l'est de Toronto. Le projet inclut des unités résidentielles et locatives, un hôtel, des espaces commerciaux, de même qu'un observatoire public. Le réseau de transport de la capitale étend son service nomade temps réel à l'ensemble de son réseau. La totalité des 136 parcours du RTC profiteront désormais du système de géolocalisation dont l'implantation s'est fait plus rapidement que prévu. Le président du RTC, Rémi Normand, a estimé que le service devrait être particulièrement apprécié par les usagers à l'aube de la période hivernale. Il s'est aussi félicité de l'adoption rapide de l'application mobile. Mentionnons que le service Nomade permet aux usagers de connaître en temps réel le passage des autobus. L'information est disponible sur de multiples plateformes, incluant des bornes d'information aux arrêts d'autobus. Le recours aux banques alimentaires serait de plus en plus fréquent au Québec. Le réseau des banques alimentaires du Québec affiche en effet une augmentation de 5,4% des demandes d'aide en provenance des organismes communautaires, de même que des comptoirs alimentaires. L'organisme montre du doigt la hausse du coût du panier d'épicerie, qui aurait été particulièrement sévère cette année. Le bilan de l'organisme montre également que 60% des demandes d'aide proviennent de bénéficiaires de l'aide sociale. Les demandes en provenance des personnes âgées auraient quant à eux connu une augmentation importante de 32% et de plus en plus de travailleurs actifs seraient également dans le besoin puisque près de 11% des demandes d'aide alimentaire proviennent de personnes ayant un emploi. Enfin, le maire de Québec, Régis Labeaume, veut revoir de fond en comble le rôle des arrondissements. Le maire de Québec souhaite mettre fin au dédoublement et au travail en silo. Il propose de confier des tâches bien spécifiques à chacun des arrondissements. Le déneigement pour l'ensemble du territoire serait par exemple confié à l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. La collecte des déchets irait-elle à la Haute-Saint-Charles? Le maire de Québec estime à plusieurs millions de dollars les économies qu'il serait ainsi possible de réaliser. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Le maximum est atteint pour la journée. On a 11 degrés présentement à Québec et c'est partiellement nuageux. C'est bien au-delà des normales de saison qui sont de 2 degrés comme maximum habituellement pour un 15 novembre comme ça. Ce soir et cette nuit, ça devient nuageux avec quelques averses, hauteur prévue de 20 à 30 mm de pluie cette nuit. Il y a des vents de 20 km/h avec rafales à 40 km/h également pour aujourd'hui et ce soir. Demain, mercredi, pluie intermittente avec 9 degrés et retour du soleil jeudi avec 9 degrés également.